un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Juna Eddy, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z. RIG 90.7 de bande FM et RIGFM.fr via Internet. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 580e émission et avant-dernière émission de la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on va parler d'un auteur-compositeur-interprète qui est Jean-Jacques Goldman. Une émission spéciale Jean-Jacques Goldman. On va du moins Jean-Jacques Goldman, pas forcément, car on sait que Jean-Jacques Goldman est un grand auteur-compositeur. Il a composé pour de nombreux artistes francophones. Il a notamment collaboré avec Juna Eddy, pour qui il a écrit et composé plusieurs grands succès qu'on va écouter tout au long de cette soirée. Mais Jean-Jacques Goldman avait accordé en 2003 une interview, alors je ne sais plus à qui, hein, enfin c'était entre soit sur M6, soit pour RTL, et cette interview a servi à plusieurs documentaires. Ils ont pris quelques passages par-ci par-là pour alimenter des reportages sur Johnny Hallyday, et là nous avons en gros plus d'une demi-heure d'interview de Jean-Jacques Goldman sur Johnny Hallyday. On va écouter ça tout au long de cette soirée. On va écouter donc plusieurs extraits de ses albums, toutes les chansons que Goldman a composées pour Johnny Hallyday. On aura notamment aussi quelques extraits des duos avec Johnny Hallyday, et puis aussi, vous allez savoir tout ça au fur et à mesure de cette émission. Restez à l'écoute de RIG et restez à l'écoute de Johnny de A à Z. Commençons tout de suite par la première question qu'on posait à Johnny Hallyday. Connaissais-tu Johnny Hallyday ou comment as-tu connu Johnny Hallyday? On y va, première question, avant que tu le connaisses, c'est-à-dire dans tes influences musicales, est-ce que Johnny était présent et qu'est-ce que tu pensais de lui quand tu étais à peine chanteur, on va dire? Alors, mais évidemment je le connaissais, hein, comme on connaît la Tour Eiffel, quoi. Mais parce que c'était déjà un personnage public de base, mais musicalement je le suivais pas. Essentiellement parce qu'il faisait beaucoup de reprises et que comme j'étais très branché sur les musiques américaines et anglaises, etc., sur les versions originales, je m'intéressais pas beaucoup à la chanson française, je passais un peu à côté. Ouais. C'était loin d'être un modèle pour toi? C'était un modèle ou peut-être dans sa réussite, ça pouvait être un modèle, non? Non, pas trop, non. Ça faisait partie des chanteurs yéyé qui étaient un peu... c'était un peu péjoratif pour les musiciens de l'époque quand on jouait dans des groupes. Où, comme je t'ai dit tout à l'heure, on allait plus vers les versions originales, quoi. La première rencontre, donc peut-être tu t'en souviens pas exactement, mais le jour où on t'a dit tu vas travailler pour Johnny, quel sentiment on a? Une sorte de fierté, une sorte de enfin, c'est quoi exactement? Là, c'est un peu particulier parce que c'est pas arrivé tout à fait comme ça. Ah, en fait, je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, c'est assez marrant d'ailleurs, c'était à une émission de radio, voilà, sur RTL. Il avait une émission de radio. Il faisait une émission, lui, comme animateur. Alors, je sais pas si c'était hebdomadaire ou quotidien, et il recevait des jeunes, voilà. Et moi, je commençais avec Il suffira d'un signe, ou j'étais peut-être au deuxième album, et donc, je l'ai rencontré pour la première fois à ce moment-là. Et j'avais choisi une chanson qui s'appelait Plus fort, qui était sur mon deuxième ou troisième album. Et à la fin, il m'a dit t'aurais dû m'écrire cette chanson-là. Et en fait, c'est une chanson que je lui avais proposée quand j'étais inconnu et que son entourage avait refusé. Voilà, c'est pour ça que je l'avais choisie d'ailleurs. Je lui avais dit je te l'ai proposée. Voilà. On écoute cette chanson plus fort, la chanson que Goldman aurait dû proposer à Johnny, du moins qu'il proposait, mais personne n'en a voulu. Il reprend sur son album Positif en 1984. Le titre que Jean-Jacques Goldman avait proposé à Johnny Hallyday, du moins à la maison de disques, mais la maison de disques n'en a pas voulu, a pas donné, voulu donner suite. C'est sur le troisième album de Jean-Jacques Goldman, de Positif, sorti en 84, et on retrouvait entre autres les titres Envole-moi, Petite fille, Encore un matin et Long is the road. Donc, que des succès sur cet album, notamment. Tout à l'heure, Jean-Jacques Goldman parlait que Johnny animait leur première rencontre et datait d'une émission de radio. Ben oui, justement. Ils se sont rencontrés en 1984 lors de l'émission radio estivale animée par Johnny et Sam Bernet sur RTL, c'était les Sunday Rock et Johnny et Jean-Jacques Goldman avaient interprété un duo sur le titre Quand la musique est bonne. Yeah! John Hallyday et Jean-Jacques Goldman lors des scènes de rock le 9 septembre 1984. Si je ne me trompe pas, hein, si c'est pas ça, si c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le 9 septembre 1984. J'avais bien révisé mes leçons. On peut pas dire que la version de John Hallyday, du moins la participation de John Hallyday sur ce titre-là, soit mémorable. On peut l'oublier. Retrouvons Jean-Jacques Goldman qui parle de Johnny. Donc, je me rappelle plus quelle était ta question. Bah, la première rencontre, qu'est-ce que ça fait? On va revenir après sur la collaboration avec Long, mais... Non, ta question c'était est-ce que j'étais étonné quand on m'a... En fait, pas trop parce que ça s'est passé juste après l'album de Berger. Donc je savais que Johnny recommençait une carrière d'une certaine manière avec des auteurs-compositeurs qui l'accompagnaient sur un album entier. Donc je pressentais un petit peu qu'on pouvait me demander celui d'après. D'autant plus que c'était Alain Lévy qui s'en occupait et que je connaissais. Et donc pourquoi on t'appelait toi? Parce qu'à l'époque tu étais incontournable et que Johnny avait besoin de support comme ça, de s'attacher à une personne pour sortir de cette mauvaise passe. Je crois que il en était sorti. Je crois que l'expérience avec Berger avait été magnifique sur tous les plans, sur le plan artistique et aussi sur le plan de sa carrière. Tout à coup, ça lui redonnait. Pas une dimension, je dirais que ça lui redonnait sa vraie dimension. Et donc il semblait clair pour tout le monde qu'il allait continuer dans cet esprit-là. Tu me parles de sa vraie dimension. Quelle est-elle? Elle est difficile à définir peut-être, mais c'est quoi la vraie dimension de Johnny? Je dirais c'est celle qu'il a prise maintenant pour toujours. Quoi. C'est quelque chose qui dépasse le succès. Il est devenu plus qu'un chanteur et plus qu'un personnage qui est... Nous, on est tous dépendants du succès d'une chanson. Lui, il est vraiment... Ou d'un album. Lui, il est vraiment passé de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est une star au sens garbo, au sens là du terme, ce qu'on appelait à l'époque les stars. Il n'y en avait que quelques-unes. Lui, il a cette dimension-là. C'est pas le seul, à mon avis, mais plus star, ça, je trouve ça presque péjoratif, quoi. Je dirais que c'est un personnage public qui fait partie vraiment des contemporains français, quoi. Voilà. C'est en 1985 que Johnny Hallyday fait appel pour la première fois à Jean-Jacques Goldman et à ses talents de compositeur. Lorsqu'ils travaillent ensemble sur l'album Gang, les deux artistes se découvrent une grande complicité. Gang est le 35e album studio de Johnny Hallyday, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Il sort le 6 décembre 1985 et cet album s'écoulera à plus de 600 000 exemplaires. Jean-Jacques Goldman confie en 1992 au biographe de Johnny Hallyday « Je n'ai pensé qu'une chose, ce type m'intéresse et je peux lui apporter quelque chose. » Au début, je ne voulais faire que la moitié d'un album, je voulais faire seulement une face. À l'origine, il était convenu qu'Elton John réalise l'autre face, mais pour une raison inconnue, cela n'a pu se faire. Et Johnny Hallyday et son équipe reçoivent les 7 titres proposés par Jean-Jacques Goldman pour qu'ils en retiennent au moins 5. Ils m'ont rappelé pour me dire, dit Jean-Jacques, que les 7 titres leur plaisaient et qu'ils souhaitaient que j'en écrive 2 de plus pour en faire tout un album. Finalement, 10 chansons seront enregistrées, toutes signées par Jean-Jacques Goldman. Le disque est enregistré au Gang Recording Studio à Paris, du producteur Claude Putterflam, et le nom du studio donne son titre à l'album. Et ça, il a pour les tonalités et tout ça, ça colle à peu près. Et puis te dire que tout se passe bien. Ça va de votre côté aussi? Bon, ok. Ouais, il est là. Bah, je te le passe. D'accord. Salut. Tiens, c'est Michel. Merci. Allô, Michel. Tu vas bien? Alors comment ça se passe à Vichy? Bien? Ah ben tant mieux. Dis-moi, je voulais te demander 2-3 choses là. Il est pas un peu bizarre, Goldman? Non? Non, parce que, tu sais, il reste des heures debout à jouer du piano dans le studio. Bon, parce que il n'y a pas que tu me diras, mais enfin... Et puis, bon, il fume pas, il boit pas, il se marre pas souvent. Ah bon, il est toujours comme ça. Ah bon, c'est quand il se concentre. D'accord. Et puis, il y a une autre chose aussi qui m'inquiète. Ça fait 1h30 qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit, une chanson qui s'appelle « Je t'attends ». Et il répète, ça fait 1h30 qu'il répète « Je t'attends, je t'attends ». Tu crois que ça va évoluer un peu? Hein?

salon. Plus élégant et plus galant, des moins jaloux, des moins loups, raisonnable et jamais fou, même d'amour. Mais tu peux chercher des jours et des années, tu peux chercher. Souviens de peut-être pas de ta première rencontre parce que c'était à la radio, c'est peut-être pas en studio, mais les premiers pas en studio avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il arrive dans une pièce, dégage quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a, ça arrive avec des gens, est-ce qu'on sent quelque chose? Je sais que tu t'es déclaré impressionné à l'époque. Bon, est-ce que c'est juste un mot comme ça ou comment tu peux m'exprimer ça? Et il y a trois choses. D'abord, il arrive rarement tout seul, donc déjà, mais peut-être il est venu tout seul d'ailleurs. Mais en général, il y a un peu de monde avec lui. Ce qui dégage immédiatement, c'est un mal-être. Il est très timide, quoi. Donc, on sent qu'il est pas à l'aise. Et moi, je trouve ce qui dégage aussi, c'est la violence. Voilà. Donc, c'est ces trois choses-là. C'est un être violent dans ses sentiments, dans ce qu'il ressent. Cette violence, elle est autour de lui. Voilà. Violence, c'est-à-dire brute de brute, par exemple. Très abrupte, très à vif. Il y a ça. Mais pas uniquement ça, c'est quand il te regarde, tout de suite, il y a jaugeage, il jauge, et il y a défi, quoi. Il y a, c'est pas doux, quoi, c'est pas calme. Il y a défi, quoi, tout de suite. Et toi, ça t'a fait peur? Non. Parce que tu parlais de la timidité, l'espèce de... Tu peux être un peu comme ça, toi aussi, non? Il n'y a pas des ressemblances. Pas à ce point-là. Il ouais. n'y a pas des ressemblances entre vos deux caractères? Il y a quelque chose d'assez banal, mais qui n'est pas tant dans ce métier-là, c'est qu'il est humble. Enfin, donc, il est humble sans être spécialement non plus. Il se dévalorise pas, mais il prétend rien, ce qui est extraordinaire pour un chanteur comme ça. Est-ce que c'est pas une un des secrets de sa longévité, justement, c'est de pas avoir plus haut que son, voilà, de pas en vouloir plus. Je sais, c'est certainement pas le secret, parce qu'il y en a bien d'autres, mais en tout cas, je pense que c'est une chose, en tout cas, fondamentale dans la sympathie que les gens lui portent. C'est cette absence totale de prétention, alors qu'il pourrait vraiment prétendre. On l'écoute ce soir dans l'émission de Johnny de la Z, Jean-Jacques Goldman qui parle de Johnny Hallyday. Donc il y en a pour 2 heures d'émission, mais aussi il y aura aussi des extraits musicaux comme le prochain. Le 7 janvier 1987, Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday étaient à la nouvelle affiche à Bordeaux, au Palais des Sports de Bordeaux, et interprétaient 2 titres, Je t'attends et Dans mes nuits on oublie. Justement, on écoute ce titre-là, Dans mes nuits on oublie. Johnny Hallyday. Alors moi je voudrais qu'on accueille monsieur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, les deux parrains de cette nouvelle affiche. Moi j'ai l'impression, là, en t'écoutant Johnny, je me vois déjà sur scène, enfin je te vois déjà plutôt sur scène au mois de septembre. C'est vraiment la chanson de scène que t'as écrit Jean-Jacques Goldman par excellence, non? Mais Jean-Jacques m'a fait des très très bonnes chansons pour la scène, oui. Ouais. La scène c'est bientôt. J'aime beaucoup les chansons de Jean-Jacques, pas vous? La prochaine scène c'est quand Johnny? Pardon? La prochaine scène? Ta prochaine, ton c'est Bercy en septembre. Bercy en septembre, on est où avec Johnny? Quand on écrit des chansons pour Johnny Hallyday, comme tu l'as fait, on les écrit d'une manière particulière. On sait qu'elles vont se transformer, être transcendées. Est-ce qu'on écrit des mots différents? Je parle des mots pour l'instant. Non, non, c'est pas un travail particulier par rapport aux autres interprètes. C'est le même, c'est-à-dire, enfin pour ce qui me concerne, c'est vraiment basé sur lui et sur le plan des musiques dans lesquelles il est crédible et aussi sur le plan des textes. Avec lesquels il est crédible. C'est-à-dire, tu vas aller chercher quoi dans les textes, par exemple? Bah, à tort ou à raison, moi je trouve que le sujet le plus intéressant dont pourrait parler Johnny, c'est de lui-même. Même si maintenant ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, surtout depuis Berger. Donc, je ne le vois pas trop parler du monde ou donner des leçons. Je pense qu'il peut parler, en parlant de lui, il peut parler de chacun de nous. Alors qu'est-ce que tu as décelé, toi? Par exemple, tu as écrit L'envie. On a l'impression que L'envie est presque une des chansons qui portraitise le mieux. Oui, ben... Qu'est-ce que tu as été chercher quand tu dis oh, il peut parler que de lui-même? Toi, tu as été chercher quoi? Non, je dis pas qu'il peut parler que de lui-même. Les chansons les plus adéquates ou qui... Pour moi, pour toi, c'est là... Ben, ce sont des histoires d'amour, comme Je te promets, c'est-à-dire le... En même temps, le désir violent, mais en même temps... La sincérité, quoi. Même l'amour de l'instant. Il me dit, vivons maintenant. Enfin, faisons-le, même si ça sert à rien, quoi. Ce côté nos futurs, un peu. Bon, ça peut être évidemment Laura, où il se pose la question du père qui va être, et lui-même, avec les problèmes qu'il a eus, enfin, avec, je dirais pas avec son père, avec son absence de père. Voilà, je lui ai écrit une chanson sur le deuxième album sur lequel on a collaboré qui s'appelait L'Orada et la chanson s'appelait Le regard des autres, où je parle justement de cette façon qu'il a de regarder et d'être regardé, à quel point il existe beaucoup par le regard des autres. Voilà, bon, évidemment, l'envie, c'est une espèce d'animal là, comme ça, qui ne recherche que le désir et qui se regonfle comme une espèce de soleil dès que l'envie lui revient et qui est en quête, je dirais, frénétique de ce désir et de cette envie d'avoir envie, enfin, voilà. Qu'on redonne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on nous donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour rêver à une femme. On m'a tout donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Johnny, c'est ça. Johnny, il marche aux envies, il marche à l'instinct, il marche... Et c'est ça veut tout dire, cette chanson. Tu sais, on a dit tout à l'heure que quand on fait les deux premiers albums, c'est en général les albums plus riches parce qu'on a 20 ans de musique derrière soi avant de faire le premier album. On a des réserves. Et celle-ci faisait partie des 3-4 chansons que j'avais finies et où je savais que j'étais pas un interprète possible pour ces chansons. On a trop de... Je suis chaud. Un petit extrait des Fréquences Star, Jean-Jacques Goldman, c'était sur M6. Alors, je ne sais plus en quelle année, mais c'était la période où il était en trio avec Frédéric Jones et non, Carol Fredericks et Michael Jones. On va écouter June Hallyday en live à Bercy en 1987 et une version alternative. Donne à l'obscurité, fuit la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, vise un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Oui, qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Pour que j'aime l'amour. La solitude aussi. Pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence. Qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère. Pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain. Vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit. Pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. J'aimerais juste revenir, tu te rappelles comment tu as créé cette chanson? Tu l'as créée avant tout pour lui? Non. Non, non, je crois pas. Je l'avais composé peut-être un an avant. Mais évidemment, il en est l'interprète idéal. Mais je crois que j'avais les bases, enfin les idées de base, les changements de rythme et tout ça, un petit peu avant. Et il en est l'interprète idéal parce que toi, j'ai l'impression que tu sais faire cette différence-là, dire de temps en temps, je ne suis pas le meilleur interprète. On a l'impression qu'il y a certaines chansons justement qui auraient dû avant tout être chantées pour lui. Je pense à Casser la voix notamment. Est-ce que ça, c'est pas une chanson qui est faite avant tout pour Johnny? Bon, ouais, la presse l'est gardée, mais est-ce que ça, c'est pas une chanson avant tout faite pour lui? Casser la voix. Casser la voix, oui, ouais. C'est vrai. Mais il n'a pas écrit comme ça, Patrick. Ah non, non, il a vraiment écrit pour lui. Il a vraiment écrit pour lui. Mais est-ce que justement, ouais. Ça, c'est pas une chanson qu'on doit forcément filer à Johnny? Si, il aurait bien chanté, c'est vrai. Il l'a chanté d'ailleurs une fois aux Enfoirés. Ah ouais. Il a pas... est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais envie de. Il a chanté aux Enfoirés Pas aux Enfoirés, ouais. Lors d'une émission de télé. On a un duo. Et le problème, c'est qu'on a un duo, on voit la différence. Ah ouais. C'est vrai que ça... Ah, ça doit être terrible. C'est peut-être pas aux Enfoirés. Non, mais c'est assez terrible, ouais. Parce qu'on l'a fait aux Enfoirés, il n'était pas, c'était pas lui. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui écrire pour Johnny? Pourquoi pas, oui. Enfin, là, j'ai, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Enfin, je vois pas trop ce que je ferais. En plus, je le trouve bien servi pour l'instant. Enfin, il a vraiment... voilà. Et on a l'impression aujourd'hui que tout le monde veut écrire pour lui. J'ai envie de dire presque quoi qu'on écrive. C'est-à-dire que dès qu'on propose quelque chose, évidemment, ça doit être un honneur, j'imagine. Oui. Mais que voilà, on écrit pour avoir écrit pour Johnny, et quitte à faire une moins bonne chanson. C'est sûr, pour n'importe quel auteur-compositeur, c'est hyper gratifiant, quoi, d'être chanté par un interprète de ce calibre. Et c'est vrai qu'il bonifie même les chansons moyennes. Donc c'est comme une machine à laver, quoi. Il rend plus blanc. Il passe l'amour à la machine lui aussi, donc. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui et. Chaque fois que je réponds, j'avais décliné l'offre de David qui m'avait demandé de faire des textes sur l'album 100%, et je lui disais franchement, je crois que la meilleure idée de cet album, c'est ton association avec lui, quoi. Et c'est pas la peine que je vienne la polluer. Quoi que je fasse pour Johnny, ça sera dans l'intérêt de Johnny, quoi. Parce que moi, je m'en fous un peu, donc j'ai tellement d'affection pour lui et d'estime pour lui que je ne ferai que quelque chose qui me paraîtra le servir et pas me servir moi, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est un peu un animal quelque part avec l'instinct, comme tu dis, qui a envie tout de suite, encore une fois, très très pas compliqué, quoi, qui ne va pas chercher plus loin, mais une sorte de d'artiste instinctif. Il y a un côté animal chez Johnny? Ouais, il y a un côté instinctif, ça c'est clair. Mais je dirais instinctif, mais pas si pulsionnel que ça, quoi. C'est-à-dire que il est là, puis dans ses silences, il y a de la réflexion, et à un moment il dit ça et ça, et il s'est très rarement trompé. Et quand il se trompait, il savait qu'il se trompait, à mon avis. Ça, c'est le flair de Johnny. Il a... C'est son instinct. Oui. Ça fait partie de aussi des raisons de sa... longévité, de son succès, c'est qu'il a su pas trop se gourer, ou il savait quand il se gourait, mais... Je crois qu'il a été, je sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas très à l'écoute. Je pense que s'il va vers un De Palma, si, c'est pas uniquement parce que c'est des gens à la mode, c'est aussi parce qu'il sent que qu'il va y prendre du plaisir, qu'il va y trouver son compte. Et Gérald disait que un des trucs les plus étonnants chez lui, c'est ce qu'il fait, il le fait à fond. C'est-à-dire quand il fait de la moto, il traverse les États-Unis. Quand il fait Hamlet, il fait sa comédie musicale. Encore aujourd'hui, voilà, tout est à fond. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi? Oui et non. C'est-à-dire, c'est à fond dans l'instant présent. Mais à mon avis, il a des difficultés à aller à fond d'un projet parce que je le vois pas travailler avant sur un long terme. Je crois que c'est l'homme le plus courageux du monde sur une heure, sur une journée, sur une nuit. Et bon, maintenant, travailler un peu seul en amont, ça, je ne sais pas si... Pourquoi, d'après toi? Parce qu'il est dans l'instant comme ça et voilà. Que ce n'est pas son truc de travailler, ce n'est pas son truc de... C'est pas trop de prévoir, mais bon, par exemple, il a fait du cinéma, je suppose que c'était autrement, donc moi, je peux juger que sur le peu que j'ai vu. Ça l'intéressait pas trop de travailler avant, mais par contre, c'est l'homme le plus courageux et le plus déterminé quand on y est, quoi. À fond. Sur scène, par exemple, toi, t'as un souvenir de ta scène avec lui? Je la croise tous les matins, Stade de France. Oui, bon. Malheureusement, moi, je suis pas trop en état dans ces moments-là pour avoir le moins de souvenirs. J'attends juste que ça se termine. Mais bon, j'ai des souvenirs de scène de lui, moi, en tant que spectateur. C'est-à-dire, je suis dans la salle et là, je le vois. Bon, ben là, on voit qu'il est vraiment... il n'est pas ailleurs, quoi. Il est en osmose totale avec le moment, quoi. Et tu l'as vu avant, j'imagine, de monter sur scène. Tu as dû comme d'autres dans les coulisses, Camille nous disait qu'il lui arrivait de voir qu'il avait le trac. C'est assez étonnant, on n'a pas l'impression que ce rock puisse être comme un petit gamin et qu'il reculait le moment de monter sur scène par les subterfuges. De temps en temps, il allait discuter avec un mec, tout ça pour pas y aller un peu comme un gamin ne veut pas aller à l'école. T'as vu des choses comme ça, toi ? Je l'ai jamais vu avant de monter sur scène, mais par contre, en studio, il y a ça. On sent qu'il a un peu la trouille, quoi. Il préfère qu'il n'y ait personne dans la cabine quand il enregistre. Il a des modesties de ce genre-là, et des angoisses de ce genre-là. Oui, c'est les modesties ou les angoisses, justement ? C'est une peur du jugement, c'est quoi ? C'est une peur de lui, ou toi, tu l'as impressionné aussi ? C'est possible, hein ? Je crois qu'il est, il est vraiment timide, quoi. Il est vraiment timide. Je me rappelle d'une répétition lorsqu'on avait fait la première tournée des Enfoirés, où il n'est jamais arrivé. Et quand on téléphonait, il était parti. Et bon, il savait qu'il y avait 5 chanteurs qui étaient là. Il y avait Sardou, il y avait Michel, il y avait Véronique Sanson. Et il est arrivé une heure ou deux après, en ayant tourné autour, parce que il aime pas être devant chanter comme ça, enfin, quand il n'est pas prêt, devant tant de monde, ça l'angoissait. C'était une peur, oui, par rapport au public, par rapport à lui. Non, pas le public. Le public n'a pas peur une fois qu'il y va, mais par rapport à nous cinq, je pense. Parlons de la voix, revenons sur la voix, toi qui as bossé avec lui en studio. Céline Dion, on sait le travail que tu as fait avec elle. Là, est-ce que tu as fait un travail particulier avec sa voix ? Céline Dion, tu lui as appris à déchanter. Est-ce que lui, fallait la... est-ce qu'il peut tout chanter déjà ? Non. Non. À mon avis, non. Alors, qu'est-ce qu'il peut chanter, qu'est-ce qu'il ne peut pas chanter ? Enfin, il peut tout chanter, mais ouais. Disons, il est très brillant dans tout ce qui est un peu lyrique, puissant, etc. C'est pas un grand improvisateur. C'est pas un grand swinger. Voilà. C'est-à-dire qu'il suit des modèles ? Il suit un schéma ? Non, c'est sa façon à lui. Ouais. Par contre, il est très compétent dans ce qu'il fait. C'est lui qui demande plus que nous à refaire parce que ça lui paraît pas bien, pas assez juste, etc. Grande exigence alors ? Oui, sur le moment, oui. Grande exigence par rapport à quoi ? Dans sa voix, c'est par pas rapport la justesse. À la justesse, il réécoute, il dit oh non, là ça pourrait être mieux. Il juge, quoi. Il nous laisse pas décider, simplement. Et son oreille, encore une fois, c'est comme l'instinct dont on parlait tout à l'heure, l'oreille est souvent juste. Oui, ah oui, mais sur scène, il est impeccable. Hein. À mon avis, sur les albums live, il n'y a rien à refaire. Quoi. Une fois qu'il s'est entraîné, qu'il a travaillé, là tu l'entends sur scène, il est effarant, quoi, de justesse. Pour revenir à la voix, t'as imaginé, toi, des chansons chantées par lui, où on les écrit et puis elles prennent une dimension. Est-ce que sa voix, est-ce qu'il s'approprie comme personne les chansons qu'on écrit pour lui ? Oui, sur scène, je pense que les meilleures versions, c'est celles sur scène. Parce qu'il les sublime, il y a sa violence qui est là, il y a sa puissance, il y a aussi le travail. Le fait que, bon, il est beaucoup répété avant et donc... Il connaît les chansons mieux, finalement, que... Là, je suis sûr, si vous lui posez la question sur 2-3 chansons de son dernier album, il s'en souvient plus, quoi. Alors que sur scène, une fois qu'il les a fait 100 fois, bon, bah, là, il est vraiment fort. Et toi, t'as un souvenir du travail de sa voix, justement ? D'un souvenir d'un texte que t'avais écrit et t'as été bluffé par son interprétation ou un souvenir précis là-dessus ? Qu'il puisse nous expliquer, parce que j'ai l'impression hein, que c'est une voix comme on a rarement, pour qu'on puisse sentir et comprendre un petit peu. Non, moi j'irais en studio, c'est assez laborieux, quoi. Il faut vraiment travailler. En plus, quand il arrive en studio, c'est 1 ou 2 ans après une tournée, donc en général, il n'a pas travaillé, il a fait plus ou moins des excès, donc il arrive en studio, on a l'impression qu'il faudrait recommencer à zéro, quoi. Donc il y a beaucoup de travail, là, et beaucoup de courage de sa part aussi. Et on ne peut pas dire que, enfin, les 2 fois où moi j'ai travaillé avec lui, que ce soit... le mieux possible une fois que c'est terminé. Mais par contre, là où il me bluffe, une fois de plus, c'est sur scène. Quoi. Une fois qu'il a vraiment les chansons en main, en bouche, et là, il les prend à fond. Cet art de dépasser les modes, Il a une sorte de... Ça fait combien, 40 ans? Je me faisais la réflexion qu'il n'a pas tant de différence en Blart. Tant de différence d'âge avec toi, je crois que c'est 9 ans. Oui. Et pourtant, on a l'impression que tu es un petit jeuneau par rapport à lui en carrière. Oui. Ça fait quel effet? Ça, c'est marrant. Mais il a commencé à 18 ans, c'est ça. Et toi, à 30. Même pas, à 16 ans, quoi. Et toi, à 30, c'est la différence. Ouais. Tu es comment, justement, sur ce plan-là avec lui? Vous estimez de la même génération? Parce qu'il a vécu aussi énormément de choses. Vous estimez de la même génération ou il y a quand même un grand décalage quand vous vous voyez? Non, il y a un décalage quand même de... Il y a quand même un décalage, je dirais, historique, quoi. Lui, il a fréquenté Jimi Hendrix, il a fréquenté les Beatles. Et puis, même dans ses références, il est vraiment des références, Chuck Berry, Elvis Presley ensuite, Eddie Cochrane, etc. C'est ça, on n'a pas tout à fait... Il s'est passé tellement de choses quoi, entre les années 60 et les années 70 sur le plan musical que les générations elles sont presque datées. C'est-à-dire que moi, je me sens vieux par rapport aux gens dont les références sont U2 et Cure, par exemple. Ça va très très vite. Quoi. Deep Purple, ils ne savent pas qui c'est. Sur le fait de dépasser les modes, on a l'impression qu'il est au-dessus des modes. Alors, il n'a pas toujours été. Il y a eu des creux à un moment. Au début, avant Michel Berger, là, c'était un peu... Mmh. On ne se rappelle pas totalement de cette période. Puis il a beaucoup suivi les modes. Il a été hippie, enfin faut voir tout ça. Il a été psychédélique. C'est marrant. Comment expliquer ça justement? Est-ce que c'est son flair ou est-ce que là c'est un peu fonctionnant la mode? Je sais pas comment l'expliquer. Il y a eu des trucs. Enfin, même les franges à l'américaine, c'est pas. Ouais, c'est pas le meilleur Johnny quoi. Non. Non, mais par contre, ça lui ressemble aussi. Il a ce côté, comme ça, un peu biker, fan des grandes traversées du Colorado, etc. Ça lui ressemble, quoi. C'est pas artificiel. Le côté hippie, peace and love et tout ça, ça me paraît plus fabriqué. À l'époque, c'est Philippe Labro, je crois, qu'il avait fait une chanson, d'ailleurs, sur ce thème-là. Le fait qu'il l'était ou qu'il l'était pas. À l'époque, non, c'était dans Jésus-Christ Superstar, non, ou une chanson sur Jésus-Christ, il disait qu'il l'était, justement, c'est clairement qu'il l'était. Justement, l'album Lorada, tu t'es un peu détaché, c'est vrai que tu n'étais plus dans la composition. Pourquoi il y a eu ce recul, toi? Pour les mêmes raisons que pour les autres, que pour Céline aussi, c'est que j'avais plus d'idées, quoi. Enfin, j'avais deux, trois idées, et après, ça aurait été du remplissage. Je pense que je suis vraiment tout à fait capable de faire du remplissage comme tout le monde. Mais je trouve qu'il mérite mieux que ça, quoi. Donc t'as appelé les copains au Canada pour faire le reste. Moi, j'ai un peu supervisé le tout, c'est-à-dire que comme c'était trois amis qui ont composé les autres chansons, on en a fait chacun deux, trois, quatre, quoi. Moi, je les ai regroupés d'abord, je les ai choisis avec eux, et puis on a travaillé les arrangements on a travaillé sur chaque chanson, quoi. Que ce soit au niveau des textes, au niveau des tonalités, au niveau même de la structure, même de certains accords. Il a un des plus beaux sourires que je connaisse, mais qui est rare. C'est-à-dire, de temps en temps, quand il sourit vraiment naturellement, Il a un sourire d'enfant, son visage s'éclaire. Mais c'est rare de le voir parce que c'est pas quelqu'un d'extrêmement gai. Et à un moment, pour lire un texte, j'ai sorti mes lunettes. Et il a vu que je portais des lunettes et donc que je vieillissais, quoi. L'album Lorada a été enregistré dans des conditions bien particulières. Commencé à Ramatuelle, à Lorada, comme le titre l'indique, et loin de tous les médias, il a été finalisé et mixé dans les studios Guillaume Tell, dans la région parisienne, et sous la direction, bien sûr, de Jean-Jacques Goldman. Des studios où nous avons eu la permission exceptionnelle d'assister aux dernières prises et au mixage final du titre Lady Lucille. Oui, trouve la mesure entre les deux, parce que juste avant, ça a beaucoup cartonné. C'est la première, ouais. C'est trop souvent, je t'appelle? Ouais, pour des questions plus de prononciation d'ailleurs. Papa est parti, j'ai oublié tous les mots, même le premier. pas honteux. Hein. Non, non, c'est pas honteux. On va le garder. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, exactement, on va le garder. Ah oui, nous aussi. Pour qu'on quitte la terre. C'est quoi, Gilles? Pour qu'on quitte la terre. Ah, c'est quoi le rythme? Oui. Ouais. D'accord. C'est bien mieux comme ça, ouais. Dans l'esprit, donc, faut que ce soit... Et on garde le Lady Lucille, on fait pour aujourd'hui comme hier, simplement. Ou pour hier comme aujourd'hui. Pas bien. Bon, on a ce qu'il faut là. Hein. Ouais, on quitte la terre. On te le passe, on te passe une fois la voix témoin. D'accord. Okay. Écoute, diabolique. C'est le premier. Il est mieux. Sur ma moto. Tu aurais pu amener la moto ici. Je peux pas rien déplacer. C'est Yeah! Et aujourd'hui, on a l'impression que il fait un peu tout et n'importe quoi. N'importe quoi, pas au sens négatif du terme, mais ça va de la pub pour les opticiens, au film où il est reconnu puisqu'il reçoit un prix destiné aux jeunes espoirs. On a l'impression qu'il est plus au top que jamais il a été, il va avoir 60 ans. Comment tu peux nous expliquer ça? Est-ce que toi, tu as une explication là-dessus? Non, je n'ai pas d'explication, mais je me pose la question. Moi, je pense que si on arrive à un concert avec une heure de retard à Valence, un jour, enfin, je dis n'importe quoi, dans une ville, qu'on arrive bourré et qu'on se casse au bout d'une demi-heure, un jour, les gens reviendront jamais. Je crois que lui, quoi qu'il fasse, les gens l'aiment et lui pardonneront n'importe quoi. Donc ça, c'est un statut vraiment particulier à lui, une affection du public, une affection de tout le monde que je trouve... magnifique, quoi, et il doit y avoir des raisons, voilà. T'en as trouvé aucune? Non, je sais pas, non. Est-ce que c'est pas ce truc instinctif? Je sais pas. Basique comme nous, en fait, il est au-dessus, mais il est presque comme nous dans son instinct, c'est-à-dire que... Voilà, il prend sa bagnole, il roule un peu vite comme on peut le faire, et puis il est adorable comme il peut l'être. Enfin, il véhicule cette image-là, ces ondes-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça, une sorte pas que, de... il pas seulement d'être adorable, hein. Il n'a pas que cette image-là. Tout le monde sait que c'est un bagarreur, que... tout ça. Non, je ne sais pas. Ça doit toucher quelque chose d'extrêmement intime dans la population, parce qu'en plus, il touche tout le monde. C'est-à-dire, il y a... du Premier ministre jusqu'au mécano, jusqu'au SDF, jusqu'au prof, jusqu'au prix Goncourt. Enfin, vraiment, il touche quelque chose d'impalpable et que j'aimerais bien qu'on puisse expliquer. Je crois que c'est « j'aimerais bien avoir » aussi. Ah non. T'es pas jaloux de ça? Non. Est-ce que tu crois que Johnny peut s'arrêter un jour? Je crois pas, non. Non. Est-ce que tu crois qu'il va s'arrêter, justement? Non, je crois pas, non. Alors, qu'est-ce qui pourrait concrètement le faire s'arrêter? La mort, je pense. Un gros problème physique. Oui, la santé, quoi. Je vois que ça. En 1989, souhaitant aller un peu plus loin dans leur soutien à l'action des restaurants du cœur et avec l'initiative de Jean-Jacques Goldman, la tournée des enfoirés est la première tournée organisée au profit des restaurants du cœur de Coluche. 4 ans après leur création, elle se déroule du 8 au 14 novembre 89 et réunit sur scène Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday en représentation dans plusieurs villes de province, Lyon, Vitrolles, Montpellier, Bordeaux, Toulouse et Lille ainsi qu'à Paris. Chacun des participants interprètent 3 titres de son répertoire, puis participent à des duos. Et le spectacle s'achève par la reprise par les 5 de la chanson des Restos, écrite par Jean-Jacques Goldman. Merci. Bonsoir. Bienvenue au Resto du Cœur. Ce spectacle, nous le faisons un petit peu pour notre ami Michel Colucci. En tout cas, merci d'être venu. Ça fait du bien de se retrouver avec vous. File un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid.